Hey, ce matin, la ville de Boumsassini pour annoncer que le Challenge cycliste des Bleuets s'était victoyé un mérite vraiment exceptionnel. On en parle avec Paul Morin. Salut, Paul. Bonjour, Danny. Paul, c'est vraiment un prix vraiment qui va amener beaucoup de notoriété vraiment au Challenge cycliste. Ben, écoute, c'est un prix provincial. Hein? Ouais. C'est on est numéro un dans la province en tant qu'événement cycliste. Alors, je pense que c'est une belle reconnaissance que l'on vient d'obtenir, effectivement. OK. Qu'est-ce que ça va apporter de concret vraiment au Challenge? Ben, je pense qu'au niveau du choix, il y a 250 événements cyclistes de ce genre-là au Québec. Il y en a 27, si je ne me trompe pas, qui sont fédérés. Donc, les gens, avant de faire leur choix, vont feuilleter, vont regarder, OK, qu'est-ce qui existe comme événement cycliste au Québec? Et à un moment donné, ben, ils vont s'arrêter. Oups, regarde, de Boumsassini, ils ont eu le titre d'événement de l'année en 2016. Donc, ça vaut peut-être la peine de s'arrêter à ça, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe, de venir visiter le site Internet et s'inscrire. Parle-moi des critères maintenant. Sur quoi qu'on s'est basé pour vraiment que le Challenge cycliste gagne ce prix? Bien, la fédération s'arrête sur des critères aussi importants que l'organisation, la qualité de l'organisation et surtout au niveau de la sécurité. Alors, de quelle façon que l'événement se déroule et comment ils procèdent là, justement pour protéger les cyclistes qui participent à cet événement-là? Alors, la façon que nous, on fonctionne dans un principe de boîte fermée, contrôlée, fait que je pense que ça a été des points qu'on a été chercher beaucoup. Là. Au niveau des commanditaires, je vois la ville, plusieurs commanditaires également. Le fait que vous avez gagné un prix, mais ça se vend bien, ça, au niveau des commanditaires? Oui, c'est une bonne question, effectivement, parce que je vais te dire, bien honnêtement, il y a déjà des gens qui nous ont approchés avant que moi je les approche. Alors, quand à la fin de la dernière présentation, les gens qui sont venus voir ça, qui ont participé, qui ont dit « Écoute, c'est super comme événement, j'aimerais être associé à ça. » Et puis, les gens qui sont déjà avec nous, ben écoute, je pense que ça se présente bien pour 2017. Là, on est déjà en discussion avec eux. Alors, écoute, quand tu présentes l'événement numéro un, au Québec, je pense que les gens aiment s'associer à effectivement. Parle-moi maintenant aussi des nouveautés. Je sais qu'il est très tôt. C'est quoi? C'est dans 9-10 mois, mais on doit travailler là-dessus un peu. Est-ce qu'on pourrait avoir un jour sur 2 jours cette challenge? Ça peut être ça? Pour la première partie de ta question, je te dirais qu'il n'est pas trop tôt. À peu près, on prend une petite pause. C'est quand l'événement se termine, on prend 2 semaines de pause. Et je te dirais que c'est un événement comme ça, il faut que tu prépares un an d'avance. C'est le ministère du Transport, Sûreté du Québec, des partenaires très importants, on n'a pas le choix. Il faut travailler avec eux autres, donc eux autres aiment avoir les dossiers en avance. Alors, c'est déjà commencé, on est dans nos temps, et puis on n'est pas en avance, je peux te le dire, c'est des longs préparatifs. Maintenant, pour la deuxième partie de ta question, 2 jours, ce serait peut-être un petit peu difficile parce que, comme je le disais tantôt, les gens viennent de l'extérieur. Hein? Alors, évidemment, il faut qu'ils pensent aux frais d'hôtels, restaurants et tout et tout. Alors, nous, c'est pour ça qu'on le fait pendant la fin de semaine de 3 jours parce que on considère qu'en présentant l'événement le dimanche, les gens arrivent le samedi. Donc, samedi soir, couche à l'hôtel, participent à l'événement. Le départ est à 8 heures, donc ils n'ont pas le choix d'arriver avant. Et les derniers cyclistes arrivent après le tour, le grand tour, entre 4h30 et 5h. Donc, il y en a, une grosse journée, couchent encore à l'hôtel. Et étant donné que pour plusieurs, la fin du travail le lendemain, ils prennent congé, prennent le temps de rester chez nous le soir et repartir le lendemain. Alors, extensionner d'une journée causerait un problème au niveau... 225, est-ce que c'est le maximum qu'on peut accueillir ou on peut en donner plus encore? 225, on est à l'aise avec ça. C'est sûr qu'on a toujours un peu de place. Ouais. Et c'est possible d'en ajouter, mais pour répondre aux critères de sécurité, je pense que c'est quelque chose sur lequel on veut faire très attention. Là, on veut respecter le plus possible et pas trop dépasser. Okay. Beau montant également donné à la Maison Colombe-Veilleux. Oui. C'est intéressant aussi. Ça. Oui, un beau 3 500 $ qu'on remet aujourd'hui à la Maison Colombe-Veilleux, qui est une belle cause. Et ce qui est intéressant, Colombe-Veilleux étant la grand-mère de David Veilleux, alors il y a un lien avec avec David Veilleux, le premier Québécois à avoir complété le Tour de France. Donc, on fait un petit clin d'œil là, par rapport aux cyclistes et à une maison bien importante chez nous, donc la Maison Colombe-Veilleux. Paul Morel, félicitations et merci beaucoup. Merci. On parle...